إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعتذر إليكم أولا عن تأخيري. Donc je m'excuse tout d'abord pour mon retard. Wa nabda'u bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala muhadaratana allati 'unwinat bima hiya ad-da'wah as-salafiyyah. Inch'Allah ta'ala, le titre de cette conférence, comme cela vous a été annoncé, est qu'est-ce que la da'wa salafiyya? Pourquoi ce titre? Qu'est-ce que la da'wa salafiyya? Parce que malheureusement, à notre époque, et cela est connu de chacun d'entre vous, la da'wa salafiyya est attaquée de toutes les frontières. La da'wa salafiyya est attaquée par les non-musulmans. La da'wa salafiyya est attaqué par les innovateurs parmi les musulmans. Et maintenant, la da'wa salafiyya est attaquée par des gens qui se prétendent suivre le Coran, la sunna et les comprendre comme l'ont compris nos pieux prédécesseurs. Beaucoup entendent parler de la da'wa salafiyya et des salafis et en ont une mauvaise image, car ils ne puisent pas leur religion des sources divines. Un musulman prend sa religion du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un musulman prend sa religion des personnes dignes de confiance, des savants de la sunna. Quant à celui qui prend sa religion des médias, ou quant à celui qui prend sa religion des gens de l'innovation et de ceux qui suivent leur passion, nul doute que cette religion qu'il apprendra, cette compréhension de la religion qu'il aura, sera une compréhension erronée. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitab Allahi wa sunnati » Je vous ai laissé deux choses, vous ne serez jamais égarés tant que vous y serez cramponnés, le livre d'Allah et ma sunna. Nous allons donc, bi'idhnillah, tabaraka wa ta'ala, ensemble, découvrir ce qu'Allah azawajal nous permettra de découvrir concernant la da'wa salafiyya. La da'wa, vous savez tous, c'est le fait d'appeler. Le fait de prêcher. Et la da'wa salafiyya appelle à la salafiyya. Qu'est-ce que la salafiyya? La salafiyya est issue du terme salaf. Et le terme salaf signifie les ancêtres. Tous ceux qui t'ont précédé parmi tes pères, tes grands-pères et tes ancêtres sont tes ancêtres. Ce sont les salafs. Et le sens qui est voulu par la salafia, c'est celui qui suit ses salafs, ses ancêtres, mais pas n'importe lesquels, les pieux parmi les ancêtres. Pour cela que les savants disent que le musulman se doit de suivre le Coran, la sunna, comme l'ont compris les pieux prédécesseurs. Car parmi les ancêtres, il y a des mauvais et il y a des bons. Et le musulman, ceux qui se doit de suivre, ce sont les pieux prédécesseurs. Et les pieux prédécesseurs, pour un musulman, un salaf, ce sont les trois générations. La génération dans laquelle a vécu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la génération des compagnons, la génération des tabi'in et ceux qui les ont suivis. Donc, qu'est-ce que la salafia? Pour la résumer en une phrase simple et compréhensible de chacun, comme le disait souvent Cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah ta'ala, il le disait souvent, « خُذُوهَا عَنِّي السَّلَفِيَّةِ هِيَ الْمَفْهُومُ الصَّحِيحِ لِلْإِسْلَامِ » Comme le disait Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah, il le disait souvent, « Prenez de moi cette parole, la salafia, c'est la compréhension authentique de l'islam. C'est la compréhension authentique de l'islam. Celui qui est salafi, c'est celui qui a compris l'islam de façon authentique. Celui qui a compris l'islam comme l'ont compris les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup prétendent comprendre le Coran et la Sunna comme il se doit. Mais il y a une différence entre celui qui prétend une chose et celui qui véritablement met en pratique cette chose. Ainsi, parmi tous ceux qui prétendent comprendre l'islam comme il se doit, ceux qui comprennent l'islam de façon authentique, ce sont les salafis. Ce sont ceux qui suivent la salafia. Et ce qui m'a aussi poussé à traiter ce sujet, c'est qu'à notre époque, on entend maintenant des ambiguïtés qui sont de plus en plus fortes pour ceux qui n'ont pas de science suffisante. C'est qu'on entend maintenant différentes sortes de salafia. On entend la salafia jihadia, on entend la salafia un tel et un tel. Tout ceci n'est que ambiguïté. La salafia est unique. Il n'y a pas de salafia jihadia. Ceux qui se prétendent salafia jihadia, ce ne sont que ceux qui sont atteints par les ambiguïtés des khawarij. Et nos salafs ont appelé ceux qui ont ces ambiguïtés des khawarij. Pour cela que vous voyez nos savants de la sunna à notre époque, ils appellent ceux qui ont ces idées de rendre mécréants les gouverneurs musulmans, de rendre mécréants ceux qui vivent dans les pays musulmans et qui ne considèrent pas leurs gouverneurs comme mécréants, ceux qui considèrent le musulman qui commet un grand péché comme étant mécréant, ceux-là, il faut les appeler par le nom que les savants nous ont enseigné. Al-Khawarij. Le fait qu'ils se soient appelés salafia jihadia est une ruse de leur part. Et cette ruse a été utilisée par les médias qui disent maintenant les salafistes jihadistes. Un salafi est un salafi. Et ce n'est pas parce que certains disent salafia jihadia ou autre sorte de salafia que les vrais salafis doivent changer de nom. Est-ce que si des personnes maintenant venaient et se prétendaient musulmans alors qu'ils font des actes contraires à l'islam, est-ce que cela veut dire que tous les musulmans doivent changer de nom? Non. Nous sommes dans la vérité. Nous étions dans la vérité avant ceux qui se sont égarés. Et bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala, et on demande à Allah Azza wa Jal de nous faire mourir dans la vérité. De nous faire mourir dans la sunna et dans la salafiyya. Et bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala, ce nom ne changera pas. Et nous sommes fiers de suivre cette voie. Car c'est, comme je l'ai dit, la compréhension authentique de l'islam. Et les preuves sont nombreuses dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui m'a poussé également à parler de ce sujet, c'est que c'est un sujet extrêmement important. L'on entend beaucoup le hadith appelé chez les savants hadith al-iftiraq, mais peu méditent sur ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les juifs se sont divisés en 72 sectes, en 71 sectes, les chrétiens en 72 sectes, et ma communauté se divisera en 73 sectes. Donc, la communauté musulmane est celle qui sera atteinte par le plus grand nombre de divisions. Et plus les divisions sont nombreuses, et plus le danger est grand. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kulluha finnar » Toutes ces sectes sont en enfer. « Illa wahida » Sauf une. « Qalu man hiya ya Rasulallah » Les compagnons radiyallahu anhum, lorsqu'ils ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que les juifs se sont divisés, que les chrétiens se sont divisés, et que sa communauté va se diviser, et que toutes ces divisions, toutes ces sectes, tous ces groupes iront en enfer, sauf une. Les compagnons, radiyallahu anhum, ont dit, oh, envoyé d'Allah, mais quel est ce groupe sauvé? Man hiya ya Rasulallah? Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, aw man kana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi. Celui qui sera comme je suis moi et mes compagnons. Celui donc qui est comme était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, celui-là fera partie du groupe sauvé. Et dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique, et parce que ce hadith déplaît à beaucoup de gens parmi les gens de l'innovation, certains d'entre eux ont même prétendu que ce hadith était faible. Ils n'ont trouvé d'autres réponses à ce hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam que de prétendre soi-disant la faiblesse de sa chaîne de transmission. Dans ce hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous met en garde. C'est une menace du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il menace de quoi? De l'enfer. À celui qui ne sera pas comme il est lui, sallallahu alayhi wa sallam, ou comme il a été, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons. Est-ce donc un sujet grave? Ou est-ce que c'est un sujet sans importance? C'est un sujet grave. De la compréhension que tu auras, cher musulman et musulmane, de l'islam, en dépendra ta destination, soit au paradis, soit en enfer. Et ceux qui prétendent que les salafis jugent les musulmans et disent que celui qui n'est pas salafi, il est en enfer, c'est une parole fausse. Cela peut être une parole vraie, mais dans laquelle l'on veut le faux. Et de répondre à cette ambiguïté est très simple et aisé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas interdit l'usure? Oui ou non? Celui qui contracte un prêt à la banque, est-ce qu'il encourt le châtiment de l'enfer, oui ou non? Oui ou non? Oui. Mais, comme le disent les gens de la sunna, tant qu'il est musulman, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut lui pardonner, il lui pardonne. Et ce sera une miséricorde de sa part, subhanahu wa ta'ala. Soit Allah Azza wa Jal le châtie, et s'il le châtie, c'est avec justice. Vous êtes d'accord ou pas? C'est exactement la même chose pour celui qui suit la salafia et celui qui ne la suit pas. Celui qui suit la salafia, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui annonce la bonne nouvelle qui fait partie du groupe sauvé. Celui qui ne suit pas la salafia, la menace de l'enfer pèse sur lui. Soit il entrera en enfer, et ce sera par justice de la part d'Allah Azza wa Jal, ou soit Allah Azza wa Jal lui pardonne, et ce sera une miséricorde de sa part. La yus'alu amma yafa'al, wa hum yus'alun. Et Allah Azza wa Jal ne sera pas questionné de ce qu'il fait, mais ce sont plutôt ses serviteurs qui seront questionnés. Donc le fait de dire que celui qui ne suit pas la salafia fait partie des sectes égarées qui encourent l'enfer ne veut pas dire que je juge que tel musulman ira en enfer. Nous disons que la menace pèse sur lui. Et s'il meurt dans cet état, eh bien, il est, et qu'il meurt musulman, il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les salafis sont les gens les plus éloignés de ceux qui taxent les musulmans de mécréants. Comme l'a dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, Ahlu sunnati a'lamu nasi bil haqq wa arhamuhum bil khalq. Les gens de la sunna sont ceux qui connaissent le mieux la vérité et sont ceux qui sont les plus miséricordieux envers les gens. Et l'on verra tout à l'heure pourquoi est-ce que les gens de la sunna, les salafis, sont ceux qui sont les plus miséricordieux envers les musulmans. La preuve également que la salafia est la compréhension authentique de l'islam, que de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de comprendre l'islam comme l'ont compris les compagnons radiyallahu anhum, est la vérité. Et le hadith de l'Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu. Le hadith long et émouvant dans lequel l'Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu nous raconte une exhortation qu'il a entendue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit radiyallahu anhu, وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَوْعِظَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a exhortés d'une exhortation qui a fait frémir nos cœurs. وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونَ. Et qui a fait couler les larmes de nos yeux. Al-Ibad ibn Sari a dit, c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous faisait ses adieux. Ils ont dit, les compagnons radiyallahu anhum, conseille-nous à envoyer d'Allah. أَوْصِنَا. قَالَ أُوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِي وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a exhortés, les compagnons ont dit, oh, envoyé d'Allah, conseille-nous. Il leur a dit, sallallahu alayhi wa sallam, je vous recommande la taqwa, qui est le fait de se préserver de l'enfer, en appliquant les ordres d'Allah et en délaissant ses interdits. Et je vous recommande d'écouter et d'obéir à qui? Au gouverneur musulman. وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِي. Même si vient à votre tête un esclave d'Abyssinie. Même si celui qui vous gouverne est un esclave d'Abyssinie, vous devez de l'écouter et de lui obéir. Et celui qui vivra parmi vous. Et ce conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a adressé à ses compagnons s'adresse à tous les musulmans jusqu'à la fin des temps. Et celui et ceux d'entre vous qui vont vivre verront de nombreuses divergences. وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Est-ce qu'à notre époque, il y a beaucoup de divergences, oui ou non? Est-ce que beaucoup de musulmans ne savent même plus d'où donner la tête, oui ou non? Est-ce un problème constaté par chacun d'entre nous, oui ou non? Quelle est la solution? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la solution. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي. Accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes califes bien guidés. Après moi, عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Mordez-y avec vos molaires. Accrochez-vous à cette sunna et à la sunna de mes califes bien guidés. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé d'une seule et même sunna. Alors qu'il a dit « Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa al-rashidin » « Accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes califes bien guidés. » Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Mordez-la », c'est-à-dire « Mordez la sunna ». Et les savants ont dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé d'une seule sunna » pour montrer que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la sunna des califes bien guidés est une seule et unique chose. Que celui qui suit les compagnons radiallahu anhum aura suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. Et prenez garde à toute chose innovée dans la religion. La salafiyya donc, la compréhension authentique de l'islam consiste à retourner au livre d'Allah, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'ont compris les pieux prédécesseurs. Les non-musulmans taxent les musulmans qui suivent leur religion, qui se conforment au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils les appellent les fondamentalistes musulmans. Qu'est-ce que signifie fondamentaliste? Qu'est-ce que ça signifie fondamentaliste? C'est un mot qu'on entend tout le temps, oui ou non? Ça signifie quoi? Revenir au fondement. Un fondamentaliste musulman, c'est un musulman qui s'accroche au fondement de sa religion. Est-ce que c'est une chose bonne ou mauvaise? Comme l'a dit l'imam Shafi'i, rahimahullah, in kana rafdan hubbu ali Muhammadin, falyashhad ath-thaqalani anni rafidi. L'imam Shafi'i, rahimahullah, a dit si le fait d'aimer la famille de Muhammad est considéré comme du rafd, alors que le monde des humains et des djinns atteste que je suis rafidi. Al-Rafidi, c'est qui? C'est une secte parmi les chiites qui insulte les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui calomnie envers notre mère à tous, la mère des croyants Aïcha radiallahu anha, en disant qu'elle a commis al-fahisha wal-iyadu billah. L'imam Shafi'i rahimahullah, dans cette parole, lorsqu'il dit si le fait d'aimer la famille de Mohammed est du rafd, alors que les djinns et les humains attestent que je suis rafidi. Tout cela pour montrer que les termes, lorsqu'ils ont une signification authentique, ou lorsque le terme qu'on utilise est compris chez les gens d'une seule et même façon, alors il n'y a aucun mal à se revendiquer de ce terme. Si, pour les non-musulmans, un fondamentaliste musulman, c'est celui qui s'accroche au fondement de sa religion, eh bien, que les djinns et les humains attestent que je suis un fondamentaliste. Je le dis haut et fort et sans aucune gêne. Mais si un fondamentaliste musulman chez eux signifie celui qui frappe sa femme, celui qui prive ses filles d'éducation, celui qui cautionne les attentats suicides, le fait de tuer des innocents, le fait de s'en prendre au bien d'innocents, même si ce sont des non-musulmans, alors je dis non, je ne suis pas un fondamentaliste. Mais si l'on reste dans le sens linguistique, un fondamentaliste, c'est celui qui suit ses fondements. Les non-musulmans, pour parler des Français non-musulmans, ne sont-ils pas attachés aux valeurs de la République? Oui ou non? C'est pas ce qu'on entend dans les médias tous les jours. Les valeurs de la République passent avant tout. Nous ne laisserons jamais quelqu'un bafouer les valeurs de notre République. Ne s'accrochent-ils pas à leurs fondements? Oui. La République qui a été bâtie par l'homme, avec tous les défauts qu'elle a. Que dire de l'islam authentique? La religion d'Allah Azzawajal, légiférée par le Seigneur des mondes, qui ne connaît aucune faille. Il n'y a en islam aucun défaut, aucune faille. Comme il n'y a aucune faille dans la création d'Allah, il n'y a aucune faille dans la législation d'Allah. Dans Surat al-Mulk, Allah Azzawajal ne dit-il pas: regardez le ciel et essayez de voir une fissure. Et regardez encore une fois et encore une fois. Vous ne trouverez dans la création d'Allah aucun défaut. De même que dans la législation d'Allah, il n'y a aucun défaut. Inch'Allah ta'ala, il y a un livre qui va bientôt être publié de l'imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, intitulé L'unique solution, l'islam. Un petit livret dans lequel Cheikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah détaille le fait que l'islam résout tous les problèmes. Les problèmes liés à la croyance, les problèmes liés à l'économie, les problèmes liés aux faits de société. Tous les problèmes ont leur solution dans l'islam. Et l'unique solution de ces problèmes, c'est l'islam. Vous devez donc, chers musulmans et musulmanes, vous accrocher à votre religion. Et ne pas être atteint par des attaques, qu'elles viennent des non-musulmans ou qu'elles viennent même de musulmans qui n'ont pas compris l'islam de façon authentique. Après avoir connu la définition de la salafiyya, à savoir que c'est la compréhension authentique de l'islam, quel est le mérite de celui qui suit la salafiyya? Celui qui suit la salafiyya, le profit qui en découle, c'est qu'il sera épargné des voies de l'égarement et des voies de l'innovation. Et aura mis en pratique l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'on l'a cité dans le hadith de l'Irbad ibn Sariya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de suivre sa sunna et la sunna des califes bien guidés. Parmi les mérites de celui qui suit la salafiyya, c'est que c'est une voie qui l'épargnera de l'enfer. Comme l'a dit le prophète sallam dans le hadith de l'Iftiraq, tous iront en enfer, sauf une. Ainsi, comme je l'ai dit, celui qui suit la salafiyya sera sauvé, celui qui ne suit pas la salafiyya, la menace de l'enfer pèse sur lui. Ainsi, une question vient se poser, même si vous avez la réponse. Quel est le jugement de suivre la salafiyya? Est-ce que c'est quelque chose d'optionnel ou non? De suivre la salafiyya est une obligation pour tout musulman. C'est une obligation. Et comme je l'ai dit, les preuves sont nombreuses dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et cela ne veut pas dire que l'on doit se dire salafi obligatoirement. Il est totalement légiféré de se dire salafi. Et entre parenthèses, on entend beaucoup de jeunes dire « Lui, c'est un salaf. Moi, je suis un salaf. » Ceci est une erreur. Les salafs, ce sont nos pieux prédécesseurs. Nos salafs, ce sont à leur tête le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, ceux qui les ont suivis et ceux qui les ont suivis. Nous, nous sommes des salafis. Qu'est-ce qu'un salafi ? C'est celui qui suit les salafs. C'est celui qui emprunte la voie des salafs. C'est un salafi. Et il n'y a aucun mal à se dire salafi. Et parmi les attaques qui sont menées envers la salafia, c'est le fait de dire que celui qui se dit salafi a innové. Qu'Allah Azza wa Jalla nous a appelés musulmans. « Huwa sammakum al-muslimin » Pourquoi vous vous appelez salafi? Allah Azza wa Jalla nous a appelés musulmans. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils s'appelaient musulmans. Mais ils étaient tous, ou ils suivaient tous, la salafia, la compréhension authentique de l'islam. Et lorsque la divergence est apparu dans cette communauté, lorsque les sectes se sont multipliées, alors les gens de la sunna, ceux qui se suivent la salafia, se sont donné des noms afin de se distinguer, afin que les gens distinguent entre le musulman qui suit la sunna et comprend l'islam de façon authentique et le musulman qui ne suit pas la sunna ou qui ne comprend pas l'islam de façon authentique. Lorsque l'on dit musulman, est-ce que ça peut être un musulman sunnite ou chiite? Ça peut être un musulman sunnite, oui ou non? Ça peut être un musulman chiite, oui ou non? Quelle est la différence entre un musulman sunnite et un musulman chiite? N'est-ce pas la lumière et les ténèbres? N'est-ce pas la guidée et l'égarement? On ne peut pas comparer un musulman sunnite avec un musulman chiite. Les chiites, comme je l'ai dit, qui insultent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les chiites, al-Rawafid, qui insultent les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les chiites, Rawafid, qui considèrent que leurs imams ont atteint des degrés que n'ont atteint ni les prophètes ni les anges. N'est-ce pas de l'égarement? N'est-ce pas de l'égarement? Oui. Le fait de mettre tous ces gens, ceux qui sont guidés, ceux qui sont égarés, sous le même nom, musulmans, ne va-t-il pas créer la confusion chez les musulmans sincères qui veulent adorer Allah Azza wa Jalla comme il se doit et qui veulent suivre l'islam comme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Cela ne va-t-il pas créer la confusion dans leurs esprits? Pour cela que les gens de la sunna se distinguent des gens de l'innovation. Et cela est une obligation. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ Afin que tu te distingues du chemin des agresseurs. Allah Azza wa Jalla nous demande de nous séparer et de nous distinguer. هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Non, ils ne sont pas égaux. Certains, comme je l'ai dit, disent non, il ne faut pas se dire salafi, vous divisez la communauté et vous utilisez un terme innové. Vous qui appelez ou qui combattez l'innovation, vous êtes tombé dans l'innovation en vous disant salafi. Comme le dit Al-Sheikh Salih Al-Suhaymi, hafidhahullah, à ceux qui renient cette appellation salafi, nous leur disons, quelle est votre preuve pour vous dire Ahlus Sunnah? Vous dites que vous êtes Ahlus Sunnah. Quelle est votre preuve? Est-ce qu'il y a des hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Appelez-vous Ahlus Sunnah ?» Oui ou non? Le terme sunna existe, le terme al-jama'a existe, mais le fait de se dire ahlus sunna, قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Apportez votre preuve si vous êtes véridique. Et les savants de l'islam ont répondu à cette ambiguïté que le terme salafi, le terme salaf, est un terme connu en islam et connu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à sa fille Fatima, comme cela est rapporté dans le sahih de l'imam muslim, « Ni'ma salafu ana laki »« Quel bon salaf je suis pour toi !» Et dans l'invocation que l'on dit lorsque l'on entre dans le cimetière, « Assalamu alaykum ya ahl al-qubur, yaghfirullahu lana wa lakum » أنتم سلفنا ونحن بالأثار. أنتم سلفنا ونحن بالأثار. Que le salut soit sur vous, ô les habitants des tombes, qu'Allah nous pardonne ainsi qu'à vous, car le musulman, lorsqu'il invoque, il invoque d'abord en faveur de qui? En faveur de soi-même, puis en faveur des autres. ربنا اغفر لنا ولي إخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Oh Allah, pardonne-nous et pardonne-leur, vous êtes nos salafs et nous sommes sur vos traces. أنتم سلفنا ونحن بالأثار. Et c'est un hadith jugé bon, rapporté par l'imam At-Tirmidhi dans ses sunan. Et c'est un hadith qui est souvent cité par Cheikh Mouqbil, rahimahullah ta'ala. Les salaf également, le même Bukhari, rahimahullah, a utilisé le terme salaf dans son tabouif de son sahih. Et les savants par la suite ont tous utilisé ce terme salafi, sans qu'aucun ne condamne l'utilisation de ce terme. Ainsi, c'est une obligation de suivre la salafia. Celui qui se conforme au livre d'Allah, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le comprend comme l'ont compris les pieux prédécesseurs, c'est un salafi même s'il ne s'appelle pas salafi. Tu n'es pas obligé de t'appeler salafi. C'est légiféré, tu as le droit, rien ne te l'interdit. Mais de dire tu dois te dire salafi et que salafi, non. Les gens de la sunna ont plusieurs termes qui les définissent. Tu peux dire, je suis salafi, je fais partie des gens de la sunna, je fais partie de Ahlul Sunnati wal Jama'a, je fais partie de Ahlul Athar, ils sont appelés aussi Ahlul Hadith, les gens du Hadith, ils sont appelés aussi Al-Ghuraba, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Bada al-Islamu ghariban, wa sayaoudu ghariban kama bada, fatouba lil-Ghuraba. L'islam a commencé étrange. Et il redeviendra étrange comme il a été étrange. Fatouba lil ghuraba. Fatouba lil ghuraba. Touba qui est un arbre au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis un arbre au paradis à ses étrangers. L'islam était étrange au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'il redeviendra étrange. Est-ce que l'islam est redevenu étranger chez les gens ou pas à notre époque? Celui qui porte la barbe et un qamis, ne le regarde-t-on pas du coin de l'œil, même au sein de la communauté musulmane? La sœur qui sort en jilbab ou en niqab, ne dit-on pas d'elle que c'est une personne étrangère qui a une façon étrange de s'habiller? Certains même, wal'iyadu billah, ont dit que cette façon de s'habiller n'existe pas en islam. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Comme elle est grande, la parole qui est sortie de leur bouche. En disant que le hijab de la femme musulmane, que le fait de, pour la femme musulmane de se couvrir le visage, n'existe pas en islam. Quel immense mensonge a été forgé, wal'ayadu billah. Ces personnes parlent sur Allah et sur son envoyé avec ignorance. Et cela fait partie des pires des péchés. Et quel est le pire des péchés que de forger un mensonge au sujet d'Allah ? C'est extrêmement grave de parler sans science. Donc l'islam est redevenu étrange, comme il était étrange au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le musulman qui se sent étranger, cela doit être une bonne nouvelle pour lui. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui promet un arbre au paradis. Et cela nous prouve la véracité de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui il y a 14 siècles savait à travers la révélation qu'Allah azza wa jalla lui a accordée que l'islam redeviendra étrange comme il était étrange au début. Quelles sont les bases, les fondements de la da'wa salafiyya? Parmi les fondements de la da'wa salafiyya, ceux qui suivent la salafiyya considèrent que l'islam repose sur deux piliers essentiels. An la na'bouda illallah wa an la na'bouda Allah illa bima sharah. Que nous devons adorer, n'adorer qu'Allah et que nous devons adorer Allah comme Allah l'a légiféré. Qui n'est autre que les deux piliers ou le premier pilier de l'islam. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Nul ne mérite d'être adoré qu'Allah et Muhammad est l'envoyé d'Allah. La ilaha illallah, nul ne mérite d'être adoré qu'Allah. Et le fait d'attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah, c'est-à-dire que l'on se doit d'adorer Allah seul sans ne rien lui associer, conformément aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la base de la da'wa salafiyya. Et c'est pour cela que vous verrez les salafis appelés au tawhid. Enseignez aux gens le tawhid. C'est la base de tout. C'est ce pourquoi Allah a créé les djinns et les humains. C'est ce pourquoi Allah a créé les djinns et les humains. Le salafi appelle au tawhid. Et il prend exemple des prophètes et envoyés d'Allah, alayhi wasallam. Nuh a appelé son peuple au tawhid. Hud a appelé son peuple au tawhid. Salih a appelé son peuple au tawhid. Lot a appelé son peuple au tawhid. Ibrahim a appelé son peuple au tawhid. Isa alayhi salam a appelé son peuple au tawhid. U'budullah ma lakum min ilahin ghayruh. Vous adorez Allah, vous n'avez d'autre divinité en dehors de lui. Et le fait d'adorer Allah seul de façon conforme à ce qu'il a légiféré, subhanahu wa ta'ala, nous amène à une autre base de la salafia qui est de se conformer et de puiser les sources du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et non pas comme les soufis qui disent « Mon cœur m'a rapporté de mon Seigneur ». Comment ils puisent la religion ? Mon cœur m'a rapporté de mon Seigneur. Et ils se moquent des gens de la sunna en disant, vous les gens de la sunna, vous puisez votre religion d'un mort envers un mort envers un mort. Quant à nous, nous puisons notre religion du vivant qui ne meurt jamais. Wal'iyadhu billah. Ce ne sont que des insufflations du diable. Ce n'est que le diable qui leur a embelli ces choses. Depuis que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est décédé, in qata' al-wahyu min as-sama', la révélation s'est interrompue des cieux. Et toute personne qui prétend être un prophète ou recevoir une révélation est un mécréant, après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les salafis donc puisent leur religion du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. Et les paroles des salafs sont extrêmement nombreuses qui nous incitent à nous accrocher aux preuves. L'imam Abu Hanifa rahimahullah a dit: ما جاء عن الله فعلى الرأس والعين وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين وما جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. Ce qui nous provient d'Allah, nous l'acceptons. Ce qui provient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous l'acceptons. Ce qui provient des compagnons, nous l'acceptons. Ce qui provient des tabi'in, ce sont des hommes et nous sommes des hommes. Ce sont des hommes et nous sommes des hommes. Et ceci est aussi un des fondements de la salafia, qui est que nous ne suivons aveuglément personne si ce n'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme l'a dit l'imam Malik, rahimahullahu ta'ala, « Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa sahibu hadha al-qabr. »« Illa sahiba hadha al-qabr. » Nous prenons de toute personne comme nous pouvons délaisser de celle-ci, sauf celui qui est enterré dans cette tombe. L'imam Malik, qui était le mufti de Médine, l'imam de Médine. Et il a dit cette parole dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il a dit cette parole, il a fait un signe vers la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour dire que c'est la seule personne, c'est le seul être humain de qui nous prenons toutes les paroles sans condition. Parmi les fondements de la salafia, c'est le fait de donner aux gouverneurs musulmans le droit qui est le leur. Quel est le droit des gouverneurs musulmans? L'obéissance et l'écoute. Lorsque le gouverneur est musulman, nous devons l'écouter et lui obéir lorsque cela est une obéissance à Allah et à son envoyé. Si le gouverneur nous ordonne de désobéir à Allah, alors dans ce cas, point d'écoute et point d'obéissance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La ta'ata li makhlouqin fi ma'asiyati al-khaliq » Point de désobéissance au Créateur pour obéir à une créature. Et ceci est un fondement important des gens de la sunna. Les savants de la sunna ont cité l'obéissance et l'écoute aux gouverneurs musulmans dans les livres de croyance, dans les livres de aqida. Ouvrez n'importe quel livre de aqida des savants de la sunna. Vous verrez qu'il y aura toujours un chapitre qui est consacré à l'obéissance et à l'écoute aux gouverneurs musulmans. Les salafis sont ceux qui condamnent les soulèvements contre le gouverneur musulman. Car un soulèvement contre un gouverneur musulman ne signifie que le désordre sur terre, ne signifie que des personnes qui vont en payer de leur vie. Et celui qui est doué d'intelligence, celui qui est doué de raison, n'a qu'à regarder l'histoire. N'a qu'à regarder l'histoire musulmane et voir dans l'histoire de l'islam tous les soulèvements qui ont eu lieu envers les gouverneurs musulmans, même si ce sont des tyrans. Même si, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prend ton argent et fouette ton dos. وَإِنْ أَخَذَ مَالَكْ وَجَلَدَ ظَهَرَكْ إِسْمَعْ وَأَطِيعْ. Est-ce que les gouverneurs musulmans prennent l'argent des musulmans et frappent leur dos de façon ouverte? Oui ou non? S'ils le faisaient de façon ouverte, cela ne justifierait pas. Cela ne serait pas une raison suffisante pour se soulever contre lui. Combien de musulmans meurent chaque jour en Syrie? Combien de musulmans sont morts en Tunisie? Combien de musulmans sont morts en Libye? Combien de musulmans sont morts au Yémen? Combien? Même si le gouverneur est mécréant, tu ne dois te soulever contre lui que si tu en as la capacité. Comme l'a dit Cheikh Al-Uthaymin, comment se soulever même contre un mécréant lorsque les gens ont dans leurs mains des couteaux et de l'autre côté, ils ont une aviation et des chars? Est-ce que c'est quelque chose de raisonnable? Et billahi alaykoum, des actions qui sont soutenues par les non-musulmans. Est-ce que ce sont des actions bonnes pour les musulmans ou pas? Allah azawajal ne dit-il pas وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Les juifs et les chrétiens ne seront satisfaits de vous que lorsque vous aurez suivi leur religion. Donc lorsque tu vois, chers musulmans et musulmanes, des non-musulmans ou les non-musulmans se réjouir et encourager ce qui se passe dans un pays musulman, sache qu'il y a derrière cela une ruse, et sache que ces personnes ne veulent pas le bien de l'islam et des musulmans. Car s'ils voulaient le bien de l'islam et des musulmans, ils auraient commencé par respecter l'islam et les musulmans dans leur pays. La France qui prétend être le pays des droits de l'homme, est-ce que le musulman se sent libre de pratiquer sa religion comme il le veut ? Billahi alaykoum. Il n'y a quasiment pas une semaine sans qu'on entend à chaque fois une polémique sur les musulmans. La barbe, le hijab, le halal, le hajj. Bientôt, on va encore parler du Eid, vous allez voir. Les pauvres moutons qui sont sacrifiés, c'est de la torture, c'est de la barbarie. Il faut condamner cela. Les cantines dans les écoles. Toutes les occasions qui sont à la portée des non-musulmans pour attaquer l'islam et les musulmans, elles sont immédiatement utilisées. Et demandez à n'importe quel musulman s'il se sent tranquille dans ce pays, il vous dira non. Alors que c'est soi-disant le pays des droits de l'homme. La plupart des choses qu'ils mettent en pratique, vous verrez qu'ils l'ont puisé de l'islam. Vous verrez qu'ils l'ont puisé de l'islam. Wallah al-Azim, celui qui applique l'islam authentique à Salafiyya, il n'a besoin de prendre de conseils de personne. Il y a dans le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je l'ai dit, la solution à tous les problèmes. Parmi également les bases et les fondements de la Salafiyya, c'est le fait de vouloir la réforme. De vouloir la réforme pour l'islam, pour les musulmans, de vouloir le bien pour les musulmans, comme je l'ai dit tout à l'heure, la parole de l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, « Ahlus sunnati a'lamu nasi bil haqq wa arhamuhum bil khalq. » Demandez à ceux qui sont passés par la case des différents groupes en islam, ceux qui avant étaient avec les frères musulmans. Wallahi al-Azim, je le jure devant Allah. S'il est resté 10 ans avec les frères musulmans, c'est 10 années de sa vie qu'il a perdue. C'est 10 années de sa vie qu'il a perdue. Car les frères musulmans ne vous apprendront ni le tawhid, ni la sunna. Ils ne vous mettront en garde contre personne parmi les gens de l'innovation. Demandez à une personne qui est restée avec les frères musulmans, où est Allah? vous verrez qu'il vous répondra, Allah, il est partout. La da'wa salafiya, les salafis, ce sont eux qui se préoccupent de la science, de l'apprentissage de la science islamique, la science juridique, la science du livre d'Allah et de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Billahi alaykum, qui étudie l'usul al-thalata? Qui étudie kitab al-tawhid? Qui s'empresse et qui a la volonté d'apprendre l'arabe pour pouvoir lire le Coran directement, etc., etc. Cheikh Mouqbir, rahimahullah, le disait et défiait jusqu'à la fin de sa vie, rahimahullah, les frères musulmans, en leur disant, apportez-nous un savant qui est sorti de chez vous. Un savant. Aucun. Pareil, pour le groupe des tabligh. Vous n'apprendrez pas votre religion authentique en étant avec le groupe des tabligh. Vous n'apprendrez pas le tawhid en restant avec le groupe des tabligh. Et en restant avec le groupe des tabligh, vous ne saurez pas différencier entre les gens de la sunna et les gens de la bid'a. Celui qui veut ton bien, cher musulman et musulmane, c'est celui qui te conseille. Billahi alaykoum, celui qui vient vous dire, on est tous des musulmans, on est une seule et même communauté, stop la divergence, il faut qu'on s'unisse. Est-ce que cette personne t'a conseillé ou non? Wallahi al-azim, elle ne t'a pas conseillé. Comme ça, elle ne t'a pas conseillé. Allah Azza wa Jal dit, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Et accrochez-vous au câble d'Allah tous ensemble. Wala tafarraqu, et ne vous divisez pas. Quel est le seul moyen pour les musulmans d'être une seule et même communauté unie? C'est qu'ils s'accrochent tous au câble d'Allah. Et celui qui se détache du câble d'Allah, c'est lui qui a divisé. C'est lui qui a fait en sorte que la divergence et la séparation existe dans cette communauté. Et wallahi al-azim, c'est l'un des plus grands mensonges que de dire que ce sont les salafis qui divisent la communauté. C'est un immense mensonge de dire cela. Un salafi, comme je l'ai dit, qui se conforme au Coran et à la Sunna et comprend l'islam de façon authentique, voit, puisqu'il apprend sa religion, apprend et constate qu'il y a des gens qui ne sont pas sur le droit chemin, qu'il y a des gens qui ne suivent pas la sunna. Et il a en face de lui des musulmans sincères, qui veulent l'agrément de leur Seigneur. Le prophète sallam nous ordonne de conseiller, de se conseiller mutuellement. Allah Azza wa Jalla nous l'ordonne. « Wa tawassaw bis sabri, wa tawassaw bil haqqi, wa tawassaw bis sabr. » Si je viens dire à mon musulman, à un frère musulman, attention, fais attention à tel groupe, fais attention à telle personne, à la telle croyance, à la telle compréhension de la religion qui est erronée. Prends garde à ne pas prendre la religion de lui. Il y a, alhamdoulilah, les savants de la sunna, il y a des étudiants en sciences religieuses, il y a, alhamdoulilah, des cours, des conférences, des vidéos en arabe, en français, dans lesquels ou à travers lesquels tu peux apprendre ta religion en toute sécurité. L'on dit à celui qui donne ce conseil, tu divises la communauté. Premièrement, nous disons, est-ce que les musulmans étaient déjà unis avant que je vienne moi les diviser? Répondez-moi. Est-ce que les musulmans étaient unis à la base ou pas? Allah Azza wa Jal dit, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا أَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. Et ils ne cesseront d'être divisés, sauf ceux qu'Allah a fait rentrer dans sa miséricorde. Premièrement, tu m'accuses de diviser les musulmans, alors qu'à la base, ils ne sont pas unis. C'est qu'il y a autre chose qui les a divisés. Pour vous schématiser ça et pour vous le caricaturer, pour vous montrer que la salafia réunit les musulmans et en aucun cas ne les divise. Et que le salafi, wallahi, il aime que l'ensemble des musulmans se rassemblent autour du Coran et de la Sunna. Prenons l'exemple d'une feuille blanche. Une feuille blanche qui est l'islam authentique. L'islam pur. La blancheur est toujours connotée par la pureté. Taraktukum ala al-mahajjati al-bayda. Le professeur Sam a dit, je vous ai laissé sur la voie illuminée blanche. Prenez l'exemple d'une feuille blanche qui est l'islam authentique. Et mettez-y un rond rouge. Dessinez-y un rond orange, vert, noir, bleu, toutes les couleurs. Et laissez un rond blanc que vous n'avez pas colorié. Une personne à qui vous donnerez cette feuille, vous lui direz, tu peux me dire s'il te plaît ce que tu vois sur la feuille? Il va vous dire, oulala, je vois plein de choses. Je vois plein de couleurs. Les ronds représentent les sectes en islam, les groupes égarés, ceux qui n'ont pas suivi la salafia. Ils sont nombreux et ils sont venus tacher l'islam authentique en apportant une compréhension erronée de l'islam, en apportant des égarements, soit liés à la croyance du musulman, soit liés souvent aux noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, l'asma wa sifat, liés au comportement que l'on doit avoir envers le gouverneur musulman, etc., etc. Cette personne-là va considérer que ce rond blanc, qui était quoi? Qui était la base. La couleur blanche, c'était la base. De considérer ce rond blanc comme étant un groupe parmi tous les autres groupes. Eh bien, c'est la même chose pour la salafia et les autres groupes. Certains considèrent que les salafis sont des groupes qui divisent la communauté. Et wallahi l'azim, ce n'est que mensonge. Car les salafis sont restés sur l'islam authentique, comme l'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, et tout ceci preuve à l'appui. Preuve à l'appui. Les salafis, lorsqu'ils parlent, ils parlent avec preuve. Donc de considérer les salafis comme étant un groupe parmi les autres groupes, cela est une erreur. Cela est une erreur et cela nous amène au dernier point que l'on traitera, à savoir que la salafia, c'est l'islam authentique et ce n'est pas un groupe. Mais avant d'arriver à ce dernier point, je traite l'avant-dernier point qui est la réforme. Comme je l'ai dit, les salafis veulent la réforme des musulmans. Et la parole que citait souvent Cheikh l'Albani, rahimahullah, at-tasfiya wa at-tarbiya. Le fait d'épurer et d'éduquer. D'épurer l'islam de tout ce qui est venu l'entacher au fur et à mesure des siècles. L'islam est protégé, walillahi alhamd. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tazalu ta'ifatu min ummati ala al-haqqi zahirin. Il y aura toujours un groupe de ma communauté qui seront évidents, qui seront visibles et qui apporteront la vérité. Donc Allah Azza wa Jal protège, comme il a protégé le Coran, Allah Azza wa Jal protège la Sunnah. Comme Allah Azza wa Jal a protégé le Coran, il protège la Sunnah. Mais des innovations sont rentrées, des shirkiyats sont rentrées, etc., etc. Ainsi, Le salafi épure tout cela. Lorsqu'un salafi va parler du tawhid, il va parler du tawhid et il va également répondre aux ambiguïtés de ceux qui ont fait rentrer le shirk dans le tawhid. Lorsqu'ils vont parler des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont vous dire ce hadith est authentique, mais attention, ce hadith, l'autre hadith est faible. Il y a des hadiths authentiques et des hadiths faibles. Le musulman se doit de suivre les hadiths authentiques. Également dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de faire d'épurer la sunna, la sira du prophète sallam de ce qui est rentré comme information fausse ou non fondée, etc., etc. Et lorsque l'islam aura été épuré, que tu auras un islam pur, basé sur le Coran et la sunna authentique, dans ce cas vient l'étape de l'éducation, at-tarbiya ou at-tazkiya. Et le salafi éduque sa personne avant tout. Il commence d'abord à s'éduquer soi-même. Ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes. Le salafi commence d'abord par lui. Il s'éduque. Il adore Allah Azza wa Jal comme il se doit. Il se purifie, il purifie son âme. Comme l'a dit un homme qui est venu voir le prophète sallam et qui lui avait dit qu'il avait de l'argent en plus. Qu'est-ce qu'il devait en faire? Le prophète sallam a dit, dépense-le pour toi. Et j'en ai encore. Le prophète sallam a dit, dépense-le pour tes enfants. J'en ai encore, ô envoyé d'Allah. Dépense-le pour ta femme. Ainsi de suite. Le musulman, le salafi, commence par s'éduquer soi-même. Puis, il éduque ses enfants et sa famille. Puis, il éduque son entourage. Ainsi de suite. Et c'est comme cela que l'islam pourra se propager. Et c'est comme cela que nous a ordonné Allah Azza wa Jal de faire. Et c'est comme cela qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'Allah Azza wa Jal lui a révélé « Fasda bima tu'mar » « Proclame haut ce qui t'a été ordonné. » Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait? Il est parti, il est monté sur le mont As-Safa. Et s'est adressé à qui? À son oncle, Abu Talib. Il s'est adressé à sa fille Fatima. Ya Fatima, salini min mali ma shi'ti, la ughni anki min Allah shay'a. Ô Fatima, demande-moi de mon argent ce que tu veux, mais je ne pourrai rien pour toi devant Allah. C'est-à-dire, si tu ne te conformes pas à l'islam. Il a dit la même chose à son oncle Abu Talib. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la même chose à sa tribu Quraysh. Et c'est là où Abu Lahab lui a dit, est-ce que c'est pour cela que tu nous as réunis? Est-ce que c'est pour cela que tu nous as réunis? Et c'est là où Allah Azza wa Jal a révélé Surat Al-Masad. Parmi les fondements de la Salafiyya, d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Ordonner le bien et interdire le mal. Ordonner le bien comme il se doit et interdire le mal comme il se doit. Pour ordonner le bien et interdire le mal, il faut déjà savoir et être connaisseur de ce que tu ordonnes. Et il faut que tu saches également ce à quoi tu appelles à l'abstention. Tu ne vas pas ordonner un bien alors que tu n'as pas de science sur ce bien que tu vas ordonner. Tu ne vas pas interdire un mal alors que tu n'as pas de science sur ce mal que tu vas interdire. Et également, la base dans le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, c'est la douceur. La base, c'est la douceur. Tu ordonnes le bien avec douceur et tu interdis le mal avec douceur. Et il y a des cas dans lesquels la dureté doit être utilisée. Cela n'est pas renié. Le professeur Hassan a utilisé la dureté. Mais la base, c'est la douceur. « Ma kana rifqu fi shay'in illa zana » La gentillesse, n'est dans une chose, lorsqu'elle est dans une chose, ne fait qu'embellir celle-ci. Et je terminerai par le dernier point que je vous ai cité tout à l'heure, à savoir que la salafiyya n'est pas un groupe parmi les groupes. La salafiyya, c'est l'islam authentique. Et par Allah, nous n'accepterons de personne le fait de qualifier la salafiyya comme un groupe ou de qualifier les salafis comme un groupe parmi les sectes en islam. Et il est très simple et très aisé de le prouver. Tout d'abord, les salafis disent, tout musulman qui suit le Coran et la Sunna et les comprend comme l'ont compris les pieux prédécesseurs, c'est un salafi, même s'il ne se dit pas salafi. Deuxièmement, citez-moi qui est l'imam des salafis. À notre époque, qui est l'imam des salafis? Qui est l'imam des frères musulmans? Hassan al-Banna. Qui est l'imam des tablirs? Qui est l'imam des khawarij? Qui est l'imam des khawarij? Non? Qui est? Dhul Khouaysira. Celui qui a dit au prophète sallam, i'dil ya Muhammad. Toutes les sectes, vous pouvez, pour ceux qui les connaissent, mettre facilement un nom devant le fondateur. Les frères musulmans, ou les tablirs qui considèrent qu'ils sont dans la vérité, n'ont même pas un siècle d'existence. Comme je l'ai dit dans ma conférence, conseil à mes frères tablirs, comment doit-on considérer tous les musulmans depuis l'époque du prophète jusqu'à ce que Mohamed Ilyes ait fait son rêve? Comment est-ce qu'on doit considérer tous ces musulmans? Ils étaient dans l'égarement. Ils n'ont pas connu le vrai islam que lorsque Mohamed Ilyes a apporté le groupe du tablir. Allah Azza wa Jalla a dit « Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati ». Aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion. Et je vous ai comblé de mes bienfaits. Wa raditu lakum al-islam dina. Et je vous ai agréé comme religion l'islam. Ce verset ne prouve-t-il pas que l'islam est une chose bouclée? Oui ou non? Il n'y a pas d'ajout, il n'y a pas de diminution. On ne peut pas venir... Comme l'a dit Abdullah ibn Mas'ud, lorsqu'il a dit à ces hommes qui ont innové dans la mosquée, soit vous êtes dans une voie qui est meilleure que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou soit vous avez ouvert une porte vers l'égarement. Et la réponse est, ils ont ouvert une porte vers l'égarement. Et si je pose la question, qui est le fondateur des salafis? Qu'est-ce que vous allez me répondre? Vous me dites, Cheikh Al-Albani? C'est faux. Cheikh Ibn Baz, c'est faux. Mohamed Ibn Abdel Wahhab, c'est faux. Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, c'est faux. Al-Imam Ibn Kathir, c'est faux. On peut descendre jusqu'à qui? Jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le fondateur de la salafiyya, c'est Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. L'imam des salafis, c'est Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Quel que soit le lieu où il se trouve, et quelle que soit l'époque dans laquelle ils vivent, les derniers des musulmans salafis qui vivront, leur imam sera Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a que lui qui suivront aveuglément et personne d'autre. Billahi alaykum, des gens qui sont ainsi, quel que soit l'endroit où ils vivent, quelle que soit l'époque dans laquelle ils vivent, ils ont un seul et unique imam qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas cela l'islam authentique? N'est-ce pas cela l'islam authentique? Et à tous ceux qui disent les salafis ce sont des wahhabites, pareil. Si un wahhabite, c'est celui qui apprend kitab al-tawhid, dans lequel il y a qala Allah et qala Rasul, alors que les djinns et les humains attestent que je suis un wahhabi. Et je n'ai aucun mal à le dire. Kitab al-Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab, vous l'avez ouvert ou pas? Dedans, il y a quoi? Qala Allah, qala Rasulullah. Des versets, des hadiths sur le sujet du Tawhid. Sur tous les sujets du Tawhid. Comment adorer Allah? Qui est Allah? Quelles sont les formes d'adoration? Quel est le shirk? Quelles sont les formes du shirk? Billahi alaykoum. Est-ce que cela c'est de l'égarement? Un musulman qui apprend Kitab Tawhid, est-ce qu'il s'égare? Non. Par Allah, il ne s'égare pas. Les savants de l'islam, les savants de la sunna, n'ont cessé, depuis que le livre du Tawhid existe, de l'expliquer, de l'enseigner aux gens et de le traduire dans toutes les langues. Et l'on vient taxer les salafis de wahhabites. Taïb, qu'est-ce que tu veux dire par wahhabi? Explique-moi. Mohamed ibn Abdel Wahhab, oui. Qu'est-ce qu'il a fait, Mohamed ibn Abdel Wahhab? Par son intermédiaire, Allah azawajal a purifié l'Arabie Saoudite et la péninsule arabique du shirk. Il n'y a pas si longtemps, il y a 200 ans, 300 ans, en Arabie Saoudite, il y a des tombes qui étaient adorées en dehors d'Allah. Et par l'intermédiaire de l'imam Mohamed ibn Abdel Wahhab et du roi Al-Saoud, ils ont enseigné aux gens le tawhid, ils ont mis en garde les gens contre le shirk, et alhamdoulilah, en Arabie Saoudite, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas une seule tombe qui est adorée en dehors d'Allah. N'est-ce pas cela un bien? Pourquoi nous le reproche-t-on? Expliquez-moi ce que veut dire wahhabite. La meilleure réponse qu'on peut leur dire, c'est que c'est un mythe. C'est un mot, une attaque, quelque chose qui est utilisé, qui n'a aucun fondement. Donc, pour conclure, la Salafia est loin d'être un groupe, est loin d'être une secte. C'est l'islam authentique, c'est la compréhension de l'islam authentique que se doit de suivre chaque musulman et chaque musulmane. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. Je m'excuse d'avoir tardé, mais c'est un sujet qui est extrêmement important. بارك الله فيكم de votre attention. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.